dans base 13. On pue pas toujours, mais on écrit toujours sans cesse. La rime est classique, tout ce que je le fais sans stress. Je me sens génial dans tout ce que vous faites, ne m'ébatte pas. On a la meilleure quali, mais pourtant pas de 4K. Faiseur de miracles en 3 coups, je gagne ou puissance 4. Meko, Noble, Hiroshima. Nous sommes double les et rajoute-moi un mot en Gina. Poto, ta gueule, t'as rien d'original. T'as tout fait pour faire des vues, mais t'es qui au final? Une flaque ou un clone, qu'on déboîte à tout prix. Je vois comme un mal absolu, même perdu dans ma folie gros. Je connais le jeune héros. Tu t'as dit c'est un moderne, on réussit toute stratégie. Je mets des F sur la concu et je les envoie en cure. Ces PD sont malades, ouais, leur texte va le mérature. Son froid, ils savent pas checker leur température. La vie, le rap des jeux dont je m'en fais mon aventure. Ton équipe est fucked up, c'est sûr que jamais je vous pull up. Vous dites être sombre, mais en face à face, c'est pas la même couleur. Séduit par le serpent, je vous fais avaler des couleuvres. Pas de follow back avec moi, car je ne suis que le 666. Je ne suis pas dans la street, mais je ne suis pas non plus ici. Pas stress pour vous guérir, comme si c'était de la médecine. Ce que je veux dire pas pour vous guérir, c'est qu'on vous illumine. Et ceux qui ne guérissent pas sont des ennemis qu'on élimine. Young, je découpe la prod avec un outil très tranchant pour les WAD. Mon rap c'est pour les génies, ouais c'est trop chiant pour les WAC. Les rappeurs c'est des fœtus, on n'est pas sûr que c'est des garçons. De façon, j'attrape par son crâne, y'a qu'en le frappant fort. Dans son beat qui garde son calme, c'est pas une façon de parler. J'ai une grosse bite et un tout petit corps, c'est le morceau que tu vales, que tu trouves dans ton poisson pané. Le mal devient le bien et les croissants damnés. Fuck le lin, cette boisson de camé. Dans tous les cas, vous vous faites baiser, comme ce gars qui aime des chibres. Ou celui qui parie à la FDJ, tu m'envoies une pique sans R. Si moi je t'envoie une pique, tu finis comme Neji. Le rap à la run est très alarmant. Pour avoir ton fils, prévois un prêt à la banque. Basse 13, ça surprend comme une calage dans la salle de concert du Bataclan. On arrive comme Donkey dans la chatte à pitch, la glace n'est pas brisée. Pourtant pétasse, tu t'affiches. Qui t'a foutu ici, tes gants furent en sauté d'album. Si t'es d'accord, viens donc signer ton arrêt de mort. On est l'ours qui vient sauver le poisson de la noyade. Poto, fais gaffe, tu vas finir dans le grand genou avec bouteille poca. On suit du blé et j'attends le bif. Le PC, le moulin et toi t'es la chef d'à côté qui crie des mots incompréhensibles. Vas-y nique la compréhension, t'as tellement niqué la langue française. Tu envoies une pension ou un dentiste, genre pour te remettre droit. Tu fonces droit dans le mur, poteau fonce tout droit.